الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. On continue l'explication du livre لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد, un livre de l'imam ibn Qudam al-Maqdisi et une explication de Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan حفظه الله تعالى. Donc la semaine dernière on avait cité les versets qui prouvaient la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est une parole réelle et véridique qui était entendue par les anges et par certains prophètes comme Moussa alayhi salam et notre prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et l'auteur a cité les différentes preuves dans le Coran et concernant, et plus précisément dans l'histoire de Moussa alayhi salam, qui explique de façon irréfutable que Moussa alayhi salam a entendu la parole d'Allah Azzawajal et que Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé directement à Moussa alayhi salam sans interprète ni intermédiaire. Il n'y avait entre eux qu'un voile, car personne sur terre, sur cette vie d'ici-bas, ne peut voir Allah subhanahu wa ta'ala, car personne n'a la capacité de supporter cela. Et on a vu dans l'histoire de Moussa alayhi salam, lorsqu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de se manifester et de se montrer devant lui, Allah Azza wa Jalla dit, regarde la montagne, si elle reste, alors tu me verras. Et lorsque Allah Azza wa Jalla s'est montré à la montagne, elle s'est pulvérisée et Moussa alayhi salam est tombé évanoui. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Et lorsqu'il s'est réveillé, Moussa alayhi salam, il a dit, gloire à toi, je me repens à toi et je suis le premier des musulmans. On s'est arrêté à la parole de Abdullah ibn Mas'ud. قال المؤلف قال عبد الله بن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الفوزان إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء وهم الملائكة الذين في السماء. هذا موقوف عن ابن مسعود, لكن جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه ردعة أو رجفة شديدة, فإذا سمع ذلك أهل السماء صعقوا وخروا لله سجدا, فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما شاء, ثم يمر جبريل كلما مر بأهل السماء سأله أهلها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. فهذا فيه أن الله يتكلم بكلام ترتجف له السماء من هيبته وترتعد, وأن الملائكة يصعقون ويخرون لله سجدا, وأنهم يسألون إذا أفاقوا ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. ففيه إثبات الكلام لله وأنه تسمعه السماوات ويسمعه أهل السماوات ويحمله جبريل من الله ويبلغه لمن أمره الله بتبليغه من رسل البشر. Donc l'imam Qudam a dit et Abdullah ibn Mas'ud a dit, lorsqu'Allah parle et s'adresse de la révélation, parle de la révélation, l'entend ou le son est entendu par les habitants des cieux. Et ceci est rapporté également d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Al-Fawzan dit, lorsqu'Allah azawajal parle de la révélation, ceci est entendu par les habitants des cieux, c'est-à-dire les anges qui sont dans les cieux, et ceci est rapporté par Abdullah ibn Mas'ud. Et le hadith est également rapporté d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam selon Nawas ibn Sam'an, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'Allah parle de la révélation, أخذت السماء منه ردعة أو رجفة شديدة. Il est entendu dans les cieux un bruit énorme. فإذا سمع ذلك أهل السماء صعقوا. Et lorsque les habitants des cieux, c'est-à-dire les anges, entendent ce bruit, ils tombent évanouis et se prosternent devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et le premier à lever sa tête sera Jibril. Allah Azza wa Jal s'adressera à lui en lui disant la révélation. Puis, lorsque Jibril traversera les cieux et passera à proximité des gens des cieux ou des habitants des cieux, ils lui demanderont « Qu'a dit notre Seigneur au Jibril ?» Il dira « Il a dit la vérité, et c'est lui le très haut et le plus grand. » Cheikh Al-Fawzan dit « Fahada fihi » Il y a dans ce hadith une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle et que les cieux tremblent lorsque ces paroles sont prononcées et que les anges tombent évanouis et qu'ils se prosternent devant Allah azza wa jal. Et une fois réveillés, ils demanderont à Jibril « Qu'a dit notre Seigneur ? Il dira la vérité, c'est lui le très haut et le plus grand. » Il y a donc l'attestation de la parole d'Allah et que cette parole est entendue dans les cieux et que les gens, les habitants de ces cieux l'entendent et que Jibril alayhi salam yani, transporte cette parole d'Allah azza wa jal et la transmet à ceux parmi les êtres humains, les envoyés, les prophètes, êtres humains qu'Allah azza wa jal lui aura ordonné de transmettre. Wa rawa Abdullah ibn Unais an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala يحشر الله الخلائق يوم القيامة حفاة عراة غرلا برما فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان رواه الأئمة واستشهد به البخاري هذا فيه أن الكلام من الله جل وعلا متجدد الآحاد وأنه يتكلم إذا شاء فهذا كلام يحدث منه سبحانه وتعالى يوم القيامة كلام بصوت وهذا نفي للمجاز يسمعه من قرب ومن بعد هذا دليل على أن هذا الكلام حقيقي وأنه بصوت وأنه يسمع وذلك في المحشر إذا حشر الله الخلائق يوم القيامة ينادي بصوت أنا الملك أنا الديان وهذا صريح في أن هذا الكلام صادر من الله جل وعلا وأنه بصوت وأنه يسمع فهل بعد هذا التفصيل وهذا البيان بيان في أن الله جل وعلا يتكلم كلاما حقيقيا وأنه يتكلم إذا شاء وأن كلامه يتجدد سبحانه وتعالى متى شاء يأمر وينهى ويخلق ويرزق كل ذلك بكلامه جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Et l'auteur, c'est-à-dire l'imam de Qudam al-Maqdisi a dit, et il est rapporté d'après Abdullah ibn Unais, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah azza wa jal ressuscitera l'ensemble des créatures le jour du jugement. Hufatan, uratan, ghurlan, burma, qui seront pieds nus, uratan, qui seront nus, ghurlan, qui seront incirconcis, burma, qui n'auront rien en leur possession. فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبُ Et Allah Azza wa Jal s'adressera à eux, c'est-à-dire à l'ensemble des créatures, d'un son qui sera entendu par ceux qui sont loin comme ceux qui sont proches. Et Allah Azza wa Jal dira أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الدَّيَّانِ Je suis le roi et je suis le souverain. Hadith jugé bon par Cheikh l'Albani, Hassanahu l'Albani, dans Sahih al-Targhib wa al-Tarhib. Cheikh al-Fawzan dit, il y a dans ce hadith la preuve que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala se renouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire que la parole d'Allah azza wa jalla se renouvelle? C'est-à-dire qu'Allah parle quand il veut et comme il veut de ce qu'il veut. Et cette parole d'Allah Azza wa Jal aura lieu le jour du jugement. Ce sera une parole qui comportera un son. Et ceci nie toute interprétation. C'est-à-dire que c'est un son réel. Ce n'est pas un sens figuré, mais c'est un sens propre. Lorsque l'on parle de parole et de son, ce n'est pas une parole et un son au sens figuré, mais c'est au sens propre. C'est-à-dire que c'est un son, une parole réelle. Et la preuve, c'est qu'Allah, le professeur Sam a dit dans ce hadith, que l'entendront ceux qui sont loin comme ceux qui sont proches. Ce sera donc un son qui sera entendu, et ceci dans la terre du rassemblement. Lorsqu'Allah Azza wa Jal rassemblera l'ensemble des créatures le jour du jugement, il s'adressera à eux en disant « Je suis le roi » et je suis le souverain. Ceci prouve que la parole viendra et proviendra d'Allah subhanahu wa ta'ala et que ce sera un son qui sera entendu. Après cela, c'est-à-dire après tous ces détails, il est montré qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle donc d'une parole réelle et véridique. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle quand il veut. Et que la parole d'Allah azza wa jal a lieu quand il veut. Il ordonne et il interdit. Il crée et donne la pourvoyance, tout cela par sa parole. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, dans Sourate Yassine, le verset 82, son commandement, lorsqu'il désire quelque chose, c'est de dire soit et c'est. Donc Allah Azza wa Jal commande toute chose par sa parole. Il interdit et ordonne, il crée subhanahu wa ta'ala et donne la pourvoyance en disant soit et cette chose est. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته وفزع منها نداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت فقال أنا فوقك ووراءك وعن يمينك وعن شمالك فعلم أن هذه صفة لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى قال كذلك أنت يا إلهي فكلامك أسمع أم كلام رسولك قال بل كلامي يا موسى هذا يوضح ما سبق من تكليم الله لموسى عليه السلام في هذه الليلة التي كان في الطريق سائرا بأهله إلى بلده وأصابه شيء من الضياع عن الطريق وشيء من البرد فذهب إلى النار التي تراءت له يريد منها الخبر عن الطريق ويريد منها جذوة ليقتبس منها لأهله لعلهم يصطلون فالله جل وعلا نداه وكلمه لما جاء إلى هذه النار بكلام سمعه موسى عليه الصلاة والسلام وقال أسمع كلامك ولا أرى مكانك لأن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا محتجب عن خلقه في الدنيا لأنهم لا يطيقون رؤيته لعظمته وكبريائه فلا أحد يطيق النظر إليه في الدنيا وإنما هذا يحصل للمؤمنين يوم القيامة إكراما من الله لهم. Et dans certains textes, il est rapporté que Moussa alayhi salam, la nuit où il a vu ce feu qui lui a fait peur et l'a effrayé, son Seigneur s'est adressé à lui en disant « Ô Moussa !» Et Moussa alayhi salam a répondu rapidement à cette parole en disant « Je viens à toi, ou je réponds à ton appel et j'entends ta parole. » Mais je ne vois pas ton endroit. Où es-tu ? Et Allah Azza wa Jalla a dit, je suis au-dessus de toi, devant toi, à ta droite et à ta gauche. Il a su, c'est-à-dire Moussa, que ceci était une caractéristique qui n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, ainsi est mon Seigneur. J'entends, est-ce ta parole que j'entends ? Ou la parole de ton envoyé, et il a dit, c'est ma parole, ô Moussa. Cheikh Fawzan dit, ceci montre ce qui a été précédemment dit, à savoir qu'Allah Azza wa Jal s'est exprimé à Moussa alayhi salam durant cette nuit dans laquelle il a pris la route, c'est-à-dire Moussa alayhi salam, ainsi que sa famille, pour retourner en Égypte, dont qui était son pays. Et en route, il s'est perdu. Et ceci, où la nuit était froide, était glaciale. Il s'est dirigé alors vers ce feu qu'il a vu de loin, afin d'avoir des informations sur le chemin et éventuellement de revenir avec un flambeau pour se réchauffer lui et sa famille. Et Allah Azza wa Jal l'a appelé et s'est adressé à lui lorsqu'il est arrivé à ce feu. Il s'est adressé à lui d'une parole que Moussa alayhi salam a entendue. Et a dit, j'entends ta parole, mais je ne vois pas où es-tu. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne sera pas vu dans cette vie d'ici-bas. Il est caché de ses créatures dans cette vie d'ici-bas, car ils ne pourront pas supporter sa vision par l'immensité et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'est capable et n'a la force de voir Allah Azzawajal dans cette vie d'ici-bas, et ceci aura lieu et sera propre aux croyants le jour du jugement, et ce sera un honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fera. C'est clair ou pas ? طيب يقول المؤلف فصل في أن القرآن كلام الله حقيقة. Puis l'auteur, c'est-à-dire l'imam de Qudam al-Maqdisi, dit chapitre, le Coran est la parole d'Allah réellement. ومن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم. يعني avant de... J'ai pas fini avec l'explication de Cheikh Fawzan. فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك أين أنت قال أنا فوقك هذا فيه إثبات العلو وعن يمينك وعن شمالك أي أن الله جل وعلا محيط وهو وإن كان جل وعلا في العلو فهو محيط بخلقه من أي جهة لا يخفى عليه من أمرهم شيء فهو في السماء ومع هذا هو محيط بخلقه لا يخفى عليه شيء من أمرهم بل هو مطلع عليهم وشاهد عليهم سبحانه وتعالى فالشاهد منها أن فيها إثبات الكلام لله جل وعلا وفيها إثبات الفوقية لله والإحاطة وأن فوقيته لا تتنافى مع إحاطته بخلقه سبحانه وتعالى. Puis Moussa عليه السلام a dit lorsqu'il a entendu la parole d'Allah عز وجل: Je réponds à ton appel, je réponds à ton appel, j'entends ta parole mais je ne vois pas ton endroit, où es-tu? Et il a dit, je suis au-dessus de toi. Il y a ici la preuve de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de ses créatures. Puis il a dit, wa an yaminika wa an shimalika, je suis à ta droite et à ta gauche. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la suprématie sur ses serviteurs et que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit élevé au-dessus des cieux, cela ne nie pas la suprématie qu'a Allah subhanahu wa ta'ala sur l'ensemble de ses créatures et que rien ne lui échappe subhanahu wa ta'ala et que rien ne lui échappe, il est bien au contraire, il les voit et est témoin de tout ce qu'ils font. On doit retenir de cette histoire ou de ce athar que tout d'abord la parole est attribuée à Allah azzawajal et on doit attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala l'attribut de la parole. Et deuxièmement, que Allah azzawajal est au-dessus de ses créatures et qu'il a la suprématie sur elles ou sur eux. Et que le fait qu'Allah azzawajal soit élevé au-dessus des cieux n'est pas en contradiction avec la suprématie totale qu'il a sur ses créatures. Puis l'imam de Qudama parle du chapitre du Coran, la parole d'Allah réelle. ومن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم. Il dit, et parmi les paroles d'Allah, il y a le Coran immense. قال شيخ الفوزان لما ذكر المؤلف رحمه الله أن من صفات الله جل وعلا الكلام فهو صفة فعلية يتكلم متى شاء وبما شاء وبكلام يسمع سمعه جبريل وبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم وسمعه موسى عليه الصلاة والسلام بدون واسطة وذكر المؤلف رحمه الله هذا مبسوطا وذكر الآيات الدل على ذلك من كتاب الله فهو يتكلم جل وعلا بكلام حقيقي يسمع وبحرف وصوت يسمع ويتلى ويقرأ ويكتب ويتكلم إذا شاء. Lorsque l'auteur a cité les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et que parmi ces attributs il y a l'attribut de la parole et que l'attribut de la parole d'Allah Azza wa Jal fait partie de As-Sifat al-Fi'liya. Qu'est-ce que As-Sifat al-Fi'liya? L'attribut d'action, c'est-à-dire c'est quoi? Il y a As-Sifat al-Fi'liya et il y a As-Sifat al-Zatiya. As-Sifat al-Zatiya, c'est non. C'est les attributs d'Allah Azza wa Jal dont est dotée son essence. Comme al-ilm, comme al-haya, comme yani, la science, comme la vie. Ce sont des attributs dont est doté Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? Et d'autres attributs. Et il y a as-sifat al-fi'liya, il y a les attributs d'action. C'est-à-dire, c'est les attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait quand il veut et comme il veut. Comme l'attribut de la parole. Allah Azzawajal a l'attribut de la parole, il parle quand il veut, comme il veut, et quand il veut, et à qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un attribut qu'Allah Azzawajal fait comme il peut ne pas faire. Comme par exemple, sifatu al-maji. Sifatu al-maji, c'est une sifat fi'liya. L'attribut de la venue. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Et ton Seigneur viendra avec les anges en rang. Et ceci est le jour du jugement. Donc Allah Azza wa Jal, parmi ses attributs, il y a l'attribut de la venue. Mais Allah vient quand il veut, comme il veut, avec qui il veut. Donc, il y a des moments où Allah vient et d'autres où Allah ne vient pas. Yanzilu Rabbuna fi kulli akhiri laylatin ou fi kulli akhiri thulutin min al-layl. Allah Azza wa Jal descend dans le ciel le plus bas lorsqu'il reste un tiers de la nuit. Ceci est un attribut que les savants appellent sifatun fi'liya, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal descend comme il veut, quand il veut et comme il veut. Et cela veut dire également qu'Allah Azza wa Jal descend comme il peut ne pas descendre. Et les autres attributs sont des attributs qui sont propres à l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme la science et la vie. Donc Al-Kalam, la parole, c'est, fait partie des attributs d'action. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal parle quand il veut, par ce qu'il veut, et sa parole est entendue. L'a entendu Jibril, qu'il a transmis à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et a entendu également sa parole Moussa alayhi salam. Et l'auteur a cité tout cela de façon précise. Il a cité les versets qui prouvent cela dans le livre d'Allah, qu'Allah Azza wa Jal s'est adressé, ou qu'il parle d'une parole vraie qui est entendue. Ce sont des sons et des lettres qui sont entendus, qui peuvent être lus, qui peuvent être écrits, et Allah subhanahu wa ta'ala parle lorsqu'il veut. وكلامه قديم النوع حادث الآحاد فلا يجوز إطلاق القول بأن الكلام بأن كلام الله قديم مطلقا بل يقال إن كلام الله قديم النوع لكنه حادث الآحاد بمعنى أنه يتعلق بالمشيئة فهو يتكلم إذا شاء وبما شاء. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal est doté de l'attribut de la parole depuis toujours. Qu'Allah Azza wa Jal n'a ni début ni fin. C'est le premier. Il n'y avait personne avant lui. Et c'est le dernier. Et personne ne sera après lui. Donc Allah Azza wa Jal n'a ni début ni fin. Donc ses attributs aussi n'ont ni début ni fin. Mais Allah Azza wa Jal parle quand il veut et comme il veut. ومن ذلك القرآن فهو من أفراد كلام الله جل وعلا لأن كلام الله جل وعلا لا يحصيه إلا هو يخلق ويرزق ويدبر بالكلام إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فلا يحصي كلامه إلا هو سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا ولو وقال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله إن الله عزيز حكيم فهو جل وعلا يتكلم بما يشاء يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر بلا بداية ولا نهاية ولا يعلم ويحصي كلامه إلا هو سبحانه وتعالى. Et parmi les paroles d'Allah Azza wa Jal, il y a le Coran. Le Coran fait donc partie des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, car la parole d'Allah Azza wa Jal, personne ne peut la restreindre ou en connaître la taille que lui subhanahu wa ta'ala, car il crée, il donne la pourvoyance et il contrôle l'univers par sa parole. Comme on l'a vu précédemment, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, dit innama amruhu, quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et c'est. Donc personne ne peut définir la parole d'Allah Azza wa Jalla et ne peut en donner la limite que lui, subhanahu wa ta'ala. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, dans Surat Al-Kahf, Sourate la caverne, verset 109, dit « Si la mer était une encre pour les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de ton Seigneur, quand même nous apporterions son équivalent en renfort. » Donc Allah Azza wa Jalla s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, « Si les océans étaient de l'encre pour écrire les paroles d'Allah Azza wa Jalla, eh bien, cela n'aurait pas suffi. Ou la mer s'épuiserait avant que ne s'épuisent les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même si vous ajoutiez, « Wala ujiktu wala ujina bimithlihi madada » Et même si nous ajoutions, en plus de cela, une autre mer d'encre. Et dans notre verset de Sourate Al-An'am, de Sourate Luqman, le verset 27, Allah Azza wa Jalla dit « Quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en plumes, quand bien même les océans seraient un océan d'encre, où confluerait cet autre océan, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas, car Allah est puissant et sage. » Et dans ce verset, Allah Azza wa Jalla explique de façon plus forte que si tous les arbres de la terre étaient de la plume et qu'un océan dans lequel confluerait, c'est-à-dire dans lequel tomberait cet autre océan qui serait une encre, cela, la parole d'Allah Azza wa Jalla ne s'épuiserait pas, car Allah est puissant et sage. Donc Allah subhanahu wa ta'ala parle de ce qu'il veut, il crée, il donne la pourvoyance, il donne la vie et la mort, il gouverne l'univers sans début et sans fin, et wala ya'lamu, et ceci par sa parole, et personne donc ne connaît la limite de sa parole que lui subhanahu wa ta'ala. Wa min kalamihi al-'azim al-Qur'an al-'azim alladhi anzalahu 'ala nabiyyina Muhammad sallallahu 'alayhi wa sallam. كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل به الروح يعني جبريل عليه الصلاة والسلام هو الروح الأمين، وصفه بالأمانة لأنه عليه الصلاة والسلام أمين على وحي الله لا يزيد فيه ولا ينقص، بل يبلغه كما يبلغه كما أمره الله جل وعلا. وصفه الله بالأمانة، وهذا توثيق لسند القرآن أنه من رواية جبريل الأمين عن ربه جل وعلا بلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد لأمته وروته أمته عنه كما وروته أمته عنه كما في الآية الأخرى إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا يعني محمد صلى الله عليه وسلم بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين يعني بالقوة وأهلكناه، ثم لقطعنا منه الوتين وهو عرق الحياة، أي لانتقم الله جل وعلا منه أشد الانتقام لو تقول على الله جل وعلا. Et le Coran fait aussi partie des paroles immenses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran immense qui a été descendu et révélé à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit Allah azza wa jal, et l'esprit fidèle est descendu avec cela, c'est-à-dire avec le Coran. Sur ton cœur, le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour que tu sois du nombre des avertisseurs en une langue arabe très claire. Nazala bihi ar-ruh, l'esprit fidèle est descendu avec cela. Et l'esprit ici, c'est Jibril alayhi salam. Fidèle ou digne de confiance, Allah azza wa jal l'a décrit ou l'a caractérisé ainsi, car Jibril alayhi salam est digne de confiance concernant la révélation d'Allah Azza wa Jal. Il n'ajoute pas ni ne diminue pas dans la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il le transmet comme lui en a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azzawajal l'a caractérisé comme étant digne de confiance et fidèle. Et ceci est une assurance concernant la chaîne de transmission du Coran, et que c'est la part, et que c'est une chaîne de transmission dans laquelle, et la chaîne de transmission du Coran, quelle est-elle? Muhammad, selon Jibril, selon Allah. Et Allah Azza wa Jal a caractérisé à la fois Jibril alayhi salam et Muhammad sallallahu alayhi salam comme étant dignes de confiance. Donc cela nous prouve que c'est une chaîne de transmission qui est plus qu'authentique et qui ne laisse aucun doute. Donc c'est une version, ou c'est une version de Jibril alayhi salam de son Seigneur qu'il a transmis à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a transmis à sa communauté, et sa communauté se l'est diffusée au sein même de celle-ci, comme Allah azza wa jalla a dit dans l'autre verset, en sourate Al-Haqqa, les versets 40 à 46, où Allah azza wa jalla dit: ceci est la parole d'un noble messager. Ceci est la parole d'un noble messager, c'est-à-dire non, c'est pas Jibril ici dans ce verset. Certains savants disent Jibril, mais dans le contexte qui vient après, c'est pas Jibril, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi est-ce qu'Allah azza wa jalla a dit la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Non, car c'est une parole qui est transmise. Et cela ne veut pas dire que c'est lui qui l'a inventé. Il a transmis la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ceci est la parole d'un noble messager. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ. Et ce n'est pas la parole d'un poète. Mais vous ne croyez que très peu. قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. Puis Allah Azza wa Jalla dit: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ. Ni la parole d'un devin. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Mais vous vous rappelez très peu. تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Puis Allah Azza wa Jalla dit: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَوِيلِ. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées. Qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il avait menti ou dit des paroles qu'il aurait attribué à Allah Azza wa Jalla, qu'Allah Azza wa Jalla n'aurait pas dit, et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi avec force. La khadna minhu bil yamin. Wa la qata'na minhu al watin. Puis nous lui aurions tranché la horte. C'est quoi la horte? Non? C'est quoi la horte? C'est comme le dire le Fawzan, c'est la veine de la vie. Quand cette veine elle est tranchée, la personne meurt. Et Allah Azza wa Jalla a dit: et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi avec force. Ensuite, nous lui aurons tranché la horte. Et nul. Puis Allah Azza wa Jalla a dit: وَمَا مِنْكُمْ إِنْ أَحَزِنْ عَنْهُ حَاجِزِينَ. Et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. Et personne parmi les êtres humains n'aurait pu empêcher Allah Azza wa Jalla de trancher la horte du prophète sallallahu alayhi wa sallam si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait forgé sur Allah Azza wa Jal quelconque mensonge. Wahua, comme le dit le Cheikh Fawzan, wahua araqul haya, c'est la veine de la vie. Ay lantaqam Allah Jalla wa Ala minhu ashadda al-intiqam, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal se serait débarrassé de lui et l'aurait éliminé de la façon la plus forte si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit des paroles mensongères ou avait forgé des mensonges concernant la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَهَذَا تَوْثِيقٌ لِسَنَدِ الْقُرْآنِ وَأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ جِبْرِيلَ عَنِ اللَّهِ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ فَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ مِنْهُ بَدَأَ أَيْ تَكَلَّمَ اللَّهُ بِهِ سُبْحَانَهُ فهو بدأ منه لا من اللوح المحفوظ كما تقوله الجهمية بل من الله جل وعلا منه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان حين يهجر العمل بالقرآن يرفع من المصاحف ومن صدور الرجال فلا يوجد منه شيء في الأرض وذلك إذا عطل العمل به في آخر الزمان عند قيام الساعة. Ceci est donc une certification de la chaîne de transmission du Coran et que c'est la version de Muhammad selon Jibril, selon Allah Azzawajal. Et Allah Azzawajal a dit dans le Coran, dans Sourate Fussilat, verset 42, le faux ne vient ni avant lui ni après lui, c'est la révélation du sage et de celui qui mérite d'être loué. C'est donc la parole d'Allah Azzawajal et c'est de lui qu'elle a commencé. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal a parlé et a dit ses paroles. Ces paroles émanent donc d'Allah Azzawajal et non pas des planches protégées. Comme le dit Al-Jahmiya, ils disent que le Coran ne vient pas d'Allah mais vient de Al-Lawh Al-Mahfoud. Bien au contraire, les paroles d'Allah Azzawajal, le Coran vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de lui que le Coran a commencé et c'est vers lui qu'il retournera. C'est-à-dire la parole d'Allah Azzawajal retournera à Allah Azzawajal dans la fin des temps lorsque l'application du Coran sera délaissée et le Coran sera enlevé des masahif et des poitrines des gens. Il sera enlevé des Corans et des poitrines des gens. Et ceci aura lieu dans la fin des temps où Allah Azzawajal élèvera le Coran qui retournera vers lui subhanahu wa ta'ala et il n'en restera rien sur terre. Même les masahif, les Corans que vous voyez, le jour du jugement, s'il y a encore un Coran qui reste jusqu'à la fin des temps, les pages seront blanches. L'écriture sera enlevée et effacée et tout reviendra à Allah subhanahu wa ta'ala et ceux qui connaissent ce Coran par cœur l'oublieront en une seule fois. Et ceci, lorsque l'application du Coran sera délaissée et cela apparaîtra dans la fin des temps avant l'arrivée de l'heure. On actafi bihad al-qadr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.